Déménagé, j'ai perdu. J'ai racheté la même, exactement la même, mais sauf que sur la nouvelle, il y a que des simples, trois simples. Des traits, c'est-à-dire. Attends, je vais. Des traits sur le bois, des traits comment ça, des traits. Sous les ressorts. En fait, je démonte pour voir ça en fait. Des traits. Ah, tu veux dire si c'est on peut démonter si c'est démontable sous le bois quoi. Ouais, je démonte quoi. Mais c'est pas par le dessus que tu changes les micros. Comme tu peux voir, il y a. Non, il n'y a rien, je crois. Je crois qu'il y a juste les ressorts. Non, il n'y a rien autour. Il n'y a que du bois autour, en fait. C'est que du bois. T'as les deux plaques sur l'extrémité qui tiennent le ressort, c'est tout. En dessous, il n'y a rien. En dessous, je crois qu'il y a ben, doit y avoir un trou qui est à gauche hein, pour maintenir le ressort, la plaque. Ça vaut combien le vrai strat? crois que c'est dans les 500 000 ou 500, je crois, que une ou pas de cases. Attends, c'est Guy qui grattait tout à l'heure. André. Thank you. fait, elle est lourde, la guitare. Phil. Hey, hello. Nice guy. Thank you. Thank you.